Okay. Donc, je vais parler un petit peu de la méthode en général. Vous pouvez rester dans la position où vous êtes, allongé au sol. Il y a toujours dans la méthode, il y a au début, on va toujours arriver dans une nouvelle situation, on va rencontrer une nouvelle méthode avec nos expériences qu'on avait déjà vécues dans notre vie. Nos expériences d'être dans les autres corps de gym, les autres. Normalement, on va contextualiser, on va associer une pratique qu'on est en train de rencontrer avec les autres pratiques, et c'est complètement normal. Et c'est bien d'être juste. J'ai envie de nommer ça, parce que je crois que c'est important qu'on réalise, qu'on est conscient de toutes les choses qu'on arrive avec. J'ai envie que ça c'est dans la salle. Et je dis ça aussi parce que comme méthode, c'est une méthode particulière et c'est pas les autres, si vous n'avez pas pratiqué avant, c'est différent, c'est pas le même que les autres pratiques que vous avez fait. Et d'avoir ça dans la tête, c'est peut-être important et intéressant. Et je ne connais pas toutes vos histoires. Et aujourd'hui, on va travailler avec la respiration. C'est une leçon autour de la respiration. Avec des informations à découvrir autour de votre propre respiration. Donc, d'abord, allongez-vous au sol avec les jambes dans une position confortable. Soit les jambes pliées, soit les jambes longues. Avec les bras à côté de vous, allongez les bras au sol quelque part. Au début d'une leçon, on a le. On est souvent dans une position neutre et dans le sens que on cherche une position qui est simple et un peu comme une référence et d'être allongé au sol avec les jambes longues et les bras longs à côté de vous, c'est une sorte de référence. Mais si ce n'est pas confortable d'être dans cette position au début, d'avoir les jambes longues, vous avez toujours le droit de plier les jambes, de mettre dans une position qui n'est pas douloureuse, qui n'est pas stressante. Okay. Et de poser votre attention sur votre contact avec le matelas, avec le sol. Notez quelle partie de vous est en contact avec le sol, quelle partie de vous ne touche pas le sol. Essayez de sentir votre respiration. Et posez votre attention sur les différentes parties de respiration, les différents endroits où la respiration est accessible. Laissez ça et pliez les genoux pour avoir la plante des pieds au sol. Et faites un mouvement de respiration de inspire et de gonfler un peu plus la poitrine, donc de prendre l'air dans les poumons et en même temps de faire plus grande au niveau de poitrine le haut du torse. Et la partie, donc l'amplitude de respiration, c'est vraiment à vous de déterminer, mais les consignes et pratiquement de gonfler la poitrine. Et de noter pendant ce mouvement de gonfler la poitrine en inspirant. Notez si le bas du dos change son relation avec le sol. S'il vient d'être plus proche du sol, plus loin du sol. Si le lombaire sont plus ou moins proches du sol. Ok. Et de laisser ça et juste respirer tranquillement. Ou donc d'une manière qui n'est pas contrôlée ou pas avec une consigne particulière. Et maintenant, de faire une sorte de respiration, un mouvement qui est lié avec la respiration. C'est de gonfler le ventre plutôt. Mais je vais peut-être je préciser plutôt. Le bas du torse, l'abdomen. Et on va avoir l'idée que c'est un peu comme une boule. Un ballon qui va gonfler dans toute direction en bas en faisant inspirant, donc vous prenez l'air et vous gonflez le ventre, mais pas juste le ventre, aussi avec l'idée que le bas du dos et aussi même le plancher pelvien, il va gonfler. Il donne le sens qu'il y a une pression vers les génitaux. Vers les anus et génitaux, il y a une sorte de pression vers le bas. Et pour faire cette consigne, vous avez le droit aussi de faire une respiration comme ça. Après, faites juste la respiration dans n'importe quelle manière, ou juste une manière qui est spontanée, sans consigne, et après de réessayer. Parfois, des concentrations, de faire un mouvement particulier demandent une pause après. Et aussi, posez votre attention sur le bas du dos et les lombaires et de noter si la distance entre le bas du dos ou la manière qu'il d'appuyer au sol, s'il change ou pas pendant cette action de gonflage de bas de ventre et de bassin en bas du dos. Et prendre une pause. Et d'alterner entre un gonflage de poitrine et un gonflage du ventre. Une fois inspire et gonfler plus le ventre. Avec les prochaines inspires, gonflage plutôt de poitrine. Et avec l'idée que dans les deux types d'expansion, on reste avec le bas du dos, soit aux mêmes positions, soit qu'il va aller plus proche du sol. Mais de ne pas avoir un mouvement qui va faire une sorte de... On ne va pas lever le bas du dos. Le bas du dos, les lombaires vont rester soit proches du sol, soit ils vont appuyer encore plus au sol. Ça veut dire que le mouvement va passer un peu plus dans les... côte, le diaphragme, et c'est pas une sorte de mouvement de arche dans le lombaire. Ok, et prendre une pause. Et maintenant de prendre l'air dans les poumons, on gonfle le poitrine et garde l'air dans les poumons. Ça veut dire qu'on va pas expirer l'air dans les poumons, mais avec l'air dans les poumons, on va gonfler le ventre et la poitrine va descendre un petit peu, il va être plus plate pour gonfler le ventre. On va gonfler le ventre avec l'air dans les poumons encore. Donc on gonfle les poitrines et après on pousse vers le ventre pour faire une expansion de ventre avec l'air encore dans les poumons. Donc on expire pas. Et après on peut faire sept mouvements, 1, 2, 3 fois peut-être. Et après on expire, on respire tranquillement. Et après, on réessaye, on prend l'air dans les poumons. On gonfle la poitrine. Et après, on descend la pression vers le bas en gardant l'air dans les poumons. Et après, on peut regonfler la poitrine et redescendre et regonfler le ventre. C'est une sorte de balançoire d'action. Okay. Et de prendre une pause, respire tranquillement. Et cette fois-ci, on va vider le poumon. On expire. En même temps qu'on expire, on gonfle un peu les ventres. On expire un peu dans une manière qui descend une pression vers la ventre. Donc, la poitrine va être vraiment plate. On pourra vraiment vider les poumons. On va voir cette idée qu'on vide beaucoup les poumons. D'abord, fais cette action peut-être un ou deux fois, plutôt l'idée de vider les poumons en gonflant le ventre. Après, on inspire, après on... On expire, en même temps, on pousse vers le bassin, vers les génitaux, vers le bas du dos. Okay. Et la prochaine fois, on va vider les poumons, plus ou moins vide, il y a toujours un petit peu de l'air qui reste dans les poumons. On va pas inspirer, on va pas remplir les poumons, mais on va gonfler les poitrines. On va faire ce même genre de mouvement qu'on nous envie inspirer, inspire, mais on va pas inspirer en fait. On va juste gonfler les poitrines et après on va mettre la pression vers le ventre, vers le bas du dos. Donc c'est encore ce mouvement de balançoire entre les deux parties du torse avec les diaphragmes entre, mais avec moins de l'air dans les poumons. Et après que vous avez expérimenté ça, quelques instants, vous respirez tranquillement, prenez une mini pause, après vous pouvez refaire cette genre d'expression. Prendre une petite pause. Et de poser la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine quelque part. Et maintenant, dans votre propre... vous avez le choix d'avoir différentes quantités de l'air dans le poumon, soit rempli, soit moins rempli, mais d'explorer cette alternance de gonflage de poitrine et ventre, soit en gardant l'air dans le poumon, soit avec les poumons plus ou moins vides, d'alterner entre le gonflage de ventre et le gonflage de poitrine, ou le gonflage de et si vous voulez, vous pouvez aussi descendre la main qui est dans le ventre pour vraiment être dans le bas de ventre et de toucher même le pubis sur vraiment le bas de ventre, plus bas que le nombril. Vraiment, juste pour noter, parfois c'est un endroit qui bouge un peu moins. Peut-être la main peut aider à trouver aussi cet endroit. Une pause. et de, soit avec les mains, soit sans mains, prendre un peu de l'air dans les poumons et de commencer de faire ce mouvement de balançoire, mais de faire plus vite qu'on vous trouvez sans être en speed. Vous faites ce même mouvement, mais plus vite. Donc ça veut dire, c'est ploum, bloup, bloup. Et après, tu reprends l'air, expire, respire tranquillement. Et après, de faire ce mouvement avec les poumons un peu plus vides et de faire vraiment très vite jusqu'à ce que tu puisses même sentir que c'est parfois une sens de liquide, de ventre. C'est une des seules manières qu'on peut vraiment sentir le diaphragme indirectement. On fait ce mouvement assez vite, bloup, bloup. Ouais, vous pouvez faire les deux, mais d'abord, le conseil c'était d'explorer avec les poumons un peu pleins et après avec les poumons vides, mais surtout c'est l'idée d'explorer la vitesse, de faire plus vite. Que c'est un peu moins contrôlé et c'est un peu plus bloup, bloup, bloup, plus vite. Avec les mains ou sans les mains. Peut-être les mains. Ok. Ok, prendre une pause, respire tranquillement. Et on va allonger sur le ventre. Et posez la main à côté de la tête, quelque part, et d'orienter vers la tête, de fond vers le sol. Ça veut dire de ne pas tourner la tête vers la gauche ou vers la droite, mais trouver une manière d'avoir la tête, peut-être, ouais, vers direct, le visage vers le sol. Et commencez de inspire un peu plus dans les poitrines. C'est un gonflage de poitrine. Explore ce gonflage de poitrine. Et quand on gonfle la poitrine, on peut sentir qu'il y a les appuis au niveau de la poitrine, les côtes. Il ne va pas être forcément symétrique sur le côté gauche et droite. Et juste noter dans ce processus de gonflage de poitrine, est-ce qu'il y a un côté qui gonfle plus que l'autre? Ou peut-être qui gonfle de bord? Et prendre une petite pause sur le ventre. Vous pouvez tourner la tête sur un côté ou l'autre pour prendre votre pause. Et de réorienter le visage vers le sol. Et de commencer à explorer plutôt le gonflage du ventre. Gonfler votre ventre. Et de noter dans le gonflage de ventre en inspirant que peut-être il y a un côté de la ventre qui va appuyer plus clairement au sol ou qui va être plus présent ou qui va gonfler en première. Okay. Prendre une petite pause. De réorienter le visage vers le sol et de commencer à gonfler la poitrine de nouveau, mais particulièrement le côté droit de poitrine. Et c'est une manière de, peut-être on peut penser soit de gonfler plus ou soit d'appuyer plus au sol en inspirant avec le côté droit. Donc il utilise l'action de inspire, de respiration, de appuyer un peu plus avec les côtés droits de poitrine. Donc, toutes les habitudes de mouvement, de respiration, qui certaines personnes utilisent plutôt certaines parties de leur possibilité de mouvement des côtes, du diaphragme, du ventre pour respirer. On utilise différemment. Prendre une petite pause et de faire la même chose avec le côté gauche de poitrine. Et de noter pour vous s'il y a un côté qui était plus accessible ou plus clair. D'appuyer un peu plus avec le côté gauche ou le côté droit de poitrine. Donc, fais un petit peu avec le côté gauche maintenant. Et de prendre une pause. Et aussi au niveau de pause, si c'est, vous avez toujours le droit de faire une plus longue pause, de faire une pause dans une autre position. Et de commencer à réorienter le visage vers le sol pour avoir une position de tête qui est plus proche de symétrique. Oh. Et de commencer de gonflage de le ventre et particulièrement le côté droit de ventre. Donc, Donc le bassin va peut-être basculer un petit peu. On appuie un peu plus avec le ventre sur la droite. Et même en ce genre d'expression avec la respiration, reste avec l'idée que c'est possible de faire ça en douceur. Et si on sent que ce n'est pas complètement accessible, ce n'est pas facile de trouver ce mouvement, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est différent de le forcer d'exister? Si on ne trouve pas immédiatement un mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une pause, on peut imaginer plus clairement peut-être la région. Et de faire ça maintenant avec les autres côtés de ventre. Donc le bassin, peut-être il va rouler un petit peu sur le côté. Ça peut être léger. Mais la respiration va aller vers le haut côté de la ventre. Peut-être on sent aussi un petit mouvement dans le bas du dos. Ok, on va prendre une petite pause. De commencer de faire un mouvement d'alterner entre un gonflage des poitrines et du ventre, soit avec les poumons pleins, soit avec les poumons vides, soit une alternance en inspirant. C'est pas nécessaire d'avoir une quantité de l'air particulier dans les poumons, mais d'alterner de gonflage de ventre et poitrine. Trouver ce mouvement d'alterner. Et de continuer, mais maintenant d'alterner entre un gonflage de le côté gauche de poitrine et le côté droit de ventre, sur la diagonale. Donc on gonfle le côté gauche de poitrine et le côté droit de ventre. En alternance sur la diagonale. Prendre une petite pause. Maintenant, de faire cette balançoire de gonflage sur les hautes diagonales entre le côté droit de poitrine et le côté gauche de ventre. Et quand on fait le gonflage de ventre, je dis ventre, mais c'est aussi le bas du dos sur la gauche, le lombaire vers la gauche, la taille, c'est un peu comme le côté gauche du bassin, vers la hanche gauche, les côtes flottantes. Ok, de prendre une pause. Et de nouveau, de conseiller juste de faire un gonflage. Gonfle la poitrine et juste noter s'il est naturellement ou il est à ce moment plus symétrique et est-ce que c'est plus accessible de faire dans une manière qui est plus symétrique maintenant après d'avoir fait les différentes sortes de respirations. S'il était, ouais, ça dépend de votre vécu au départ. Et de laisser ça et d'allonger sur le dos et prendre une pause allongée sur le dos. Et allongez-vous sur le côté droit. Avec les jambes pliées. Vous pouvez poser votre tête sur un bras ou une serviette ou quelque chose si vous avez, comme vous préférez. Et dans cette position, de commencer à alterner entre un gonflage de ventre et un gonflage de poitrine. Et de faire quelquefois avec cette idée de garde, de faire un peu plus vite dans le sens qu'on. Ouais, de. Vous pouvez prendre plus de l'air dans les poumons et après. Alterner entre le gonflage de ventre, le gonflage de poumon, après les poitrines et après de laisser l'expiration passer normalement pour un moment et après reprendre cette expiration. Et de prendre avec votre. Ouais, prendre une petite pause et avec votre main gauche. Prendre la tête et prendre plus ou moins l'oreille droite. Le bras va passer au-dessus de la tête et vous prendre votre propre tête avec le bras gauche. Le bras gauche va prendre la tête. Le bras droit est tranquille au sol. Et va lève la tête, lève vos têtes et commencez de faire cette balançoire de gonflage de ventre et poitrine. Et de repose la tête, prendre une petite pause. Si vous voulez, vous pouvez refaire cette même expiration après une petite pause, de lever la tête, avec l'idée de sentir aussi où la respiration va bouger dans cette situation qui est particulière, qui engage les muscles dans une autre manière en relation avec gravité. Certains mouvements vont être plus accessibles, les autres moins. Certaines parties des ventes vont gonfler plus peut-être. Okay. Et de laisser ça et d'allonger-vous sur le dos. De noter le mouvement de respiration dans cette position, le sens d'espace dans la poitrine, dans le ventre, s'il est symétrique ou pas, peut-être qu'il y a une différence entre le côté gauche et droite. Et allongez-vous sur les autres côtés, sur le côté gauche. Et quand vous êtes prête de commencer cette même expression de gonflage en alternance entre la poitrine et le ventre, et dans cette position aussi, comme on était, les différences sont allongées sur le dos, allongées sur le ventre, sur le côté, c'est une différente relation avec gravité. Et aussi, c'est une différente relation avec le sol au niveau des appuis qui donne une autre information. Au niveau des contacts, quand vous gonfle le ventre, vous pouvez sentir cette gonflage autrement quand vous êtes sur le côté. Parce que vous avez une autre surface de vous qui est en contact avec le sol. Et de prendre une petite pause et après d'attraper la tête avec la main droite et de lever la tête avec l'aide du main, de la main et de commencer cette alternance de gonflage. Prendre une pause quand vous voulez prendre une pause. Peut-être même juste prendre une pause. Et allongez-vous sur le dos. Et de, mettez-vous sur quatre pattes, sur votre genou. Et de poser votre tête dans les paumes de votre main. Donc, posez une main sur les autres mains. Et après, posez le plus ou moins vers le haut de la front dans les mains. Avec les mains, et c'est plutôt la tête dans les paumes des mains. Les paumes des mains sont orientées vers votre tête. Trouvez une position confortable pour le reste. Et faites un mouvement de inspire vers la poitrine, le gonflage de poitrine. Et après de expire, de et pendant ce mouvement de gonflage de poitrine, fais une sorte de mouvement de... Peut-être le mouvement est déjà là, mais peut-être pas. Peut-être on va ajouter quelque chose au niveau conscience. Peut-être c'est un mouvement même qu'on va ajouter pour vous. C'est comme vous allez aller un peu vers la direction de votre tête et on va allonger un petit peu derrière la nuque. C'est qu'on va basculer un peu vers le devant en inspirant et après on revient un peu, qu'on expire, on revient un petit peu vers la position de départ. Et si vous avez besoin de prendre une pause, change de position, vous pouvez changer de position. Je prends une pause. Et après de faire un mouvement de gonflage du ventre. On inspire, gonfler le ventre. Après, expire, on allonge. Et maintenant, de faire un mouvement de inspire et gonfler la poitrine et expire, gonfler le ventre. Inspire, on gonfle la poitrine et expire, on gonfle le ventre. Et ce petit mouvement de basculer vers la tête et après vers le bassin qui va peut-être être présent. Et de continue un mouvement d'alternance de gonflage de ventre et de poitrine, mais juste continue de respirer tranquillement comme ça arrive. Vous pouvez dissocier le mouvement de gonflage avec le fait que l'air rentre dans les poumons et sort des poumons. Donc, vous mettez plutôt juste l'attention à cette alternance de gonflage. Qui va être aussi associé avec un petit basculement, peut-être vers la tête et vers le bassin. Mais on juste laisse la respiration adapter à cette situation. Okay. Prendre une pause dans une position confortable. Soit assise, soit allongée sur le dos. une position avec la tête au sol, comme vous voulez pour une pause. Et d'allonger sur le, allongez-vous sur le dos. Et on va trouver une position qui n'est pas complètement allongée sur le dos. On est sous les coudes, on lève la tête et la poitrine. Donc on est. Ouais. Et vous pouvez soit avoir les jambes longues, soit pliées. C'est comme vous préférez au niveau des jambes. Et de. Retrouve ce mouvement d'alternance de basculer le gonflage entre la poitrine et le ventre. Et de explorer les possibilités de faire ça indépendamment de la respiration. Ça veut dire que peut-être on va avoir l'air qui va entrer dans le poumon pendant plusieurs mouvements et après l'air va sortir du poumon pendant plusieurs mouvements de basculement, de gonflage. Et d'être doux aussi dans le mouvement, prendre une pause, si vous voulez prendre une pause. Ok, et tout le monde prend une pause. Et de asseyez-vous avec les plantes des pieds ensemble, avec les genoux ouverts sur le côté. Et de prendre, faire une sorte de embrasse vous-même, un câlin à vous-même, et d'attraper plutôt les côtes du bas, les côtes flottantes dans cette région. Et de pencher la tête un peu vers les pieds, un petit peu, pas beaucoup, mais d'avoir cette idée que c'est pas nécessaire d'être vertical, la tête peut aller vers là. Okay. Et dans cette position, de commencer cette alternance de gonflage entre le ventre et la poitrine. On gonfle le ventre, la poitrine plus plat, on gonfle la poitrine, le ventre va rentrer. Oui, et c'est pas nécessaire que les pieds sont proches du bassin, ça peut être n'importe quelle distance. Et modifier la position si c'est pas confortable, si c'est autre chose. Pause et d'allongez-vous sur le dos. contact avec le sol maintenant, votre sens de... Oui, votre sens de contact avec le sol et aussi votre sens de contact avec vous-même. Et le mouvement de votre respiration maintenant. De voler sur un côté ou l'autre et se mettre debout pour finir, pour sentir les effets de cette activité, de ces expressions. Et juste prendre un moment simple, debout, sur une surface qui est plate. Avec les bras à côté de vous. Et juste notez où vous sent votre centre de gravité. Ou votre sens d'attention. Votre centre d'attention. Et de considérer marcher un petit peu avec une curiosité de noter s'il y a des effets ou pas sur juste une marche normale. Et de, aussi, c'est une opportunité de noter si toute cette série des expressions, s'il a des effets sur votre organisation posturale, sur votre manière d'être en contact avec le sol, sur votre équilibre, sur votre présence. Ok.